Bon début de semaine, bienvenue à LLB, la lecture biblique audio quotidienne. Aujourd'hui, lundi, le 12 juin, c'est Maxime Leblanc qui est au micro avec vous alors que nous continuons nos lectures quotidiennes audio. On lit toujours dans la version français courant et on continue bien sûr nos quatre portions de textes habituels. Donc, nous allons commencer avec Un roi. Nous lisons aujourd'hui chapitre 11, verset 1, jusqu'au verset 15 du chapitre 12. Le roi Salomon, qui avait épousé la fille du roi d'Égypte, épousa aussi beaucoup d'autres étrangères, à savoir des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Hittites. Pourtant, le Seigneur avait dit aux Israélites, au sujet de ces nations païennes, « Ne vous mêlez pas aux gens de ces nations, et ne les laissez pas se mêler à vous, car ils vous entraîneraient à adorer leur Dieu. » Mais par amour, Salomon s'attacha à ces femmes étrangères. Il eut ainsi 700 épouses de rang princier et 300 épouses de second rang, qui toutes l'influencèrent beaucoup. En effet, quand Salomon fut devenu vieux, ses épouses l'entraînèrent à adorer d'autres dieux, de sorte qu'il cessa d'aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur, à la différence de son père David. Il adora Astarté, la déesse des Sidoniens, et Milcom, l'ignoble dieu des Ammonites. Il fit ce qui déplaît au Seigneur, car il ne lui obéissait pas fidèlement, comme son père David. À cette époque, Salomon aménagea un lieu sacré sur la colline en face de Jérusalem pour Kémoc, l'ignoble dieu des Moabites. Il en fit aussi aménager un pour Milcom, l'ignoble dieu des Ammonites. Il fit la même chose pour les dieux de toutes ses épouses païennes, afin qu'elles puissent leur présenter des offrandes, de parfums ou des sacrifices d'animaux. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, était apparu à deux reprises à Salomon et lui avait ordonné précisément de ne pas adorer d'autres dieux. Mais Salomon ne lui avait pas obéi et s'était détaché de lui. Alors le Seigneur se mit en colère contre Salomon et lui dit « Puisque tu t'es conduit ainsi, puisque tu n'as respecté ni l'alliance conclue entre nous, ni les ordres que je t'avais donnés, je vais t'arracher la royauté et la donner à l'un de tes sujets. Toutefois, à cause de ton père David, je n'accomplirai pas cette menace durant ta vie. J'arracherai la royauté à ton fils. D'ailleurs, je ne lui reprendrai pas tout le royaume, mais je lui laisserai une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » Le Seigneur suscita un adversaire à Salomon. C'était un Édomite nommé Hadad, descendant de la famille royale d'Édom. À l'époque où David avait combattu le royaume d'Édom, le chef de son armée, Joab, y était allé avec une troupe enterrer les soldats israélites morts au combat, puis il avait fait mourir tous les garçons et tous les hommes édomites. En effet, Joab et toute sa troupe étaient restés 6 mois en Édom pour y massacrer les garçons et les hommes. Cependant, Hadad, qui était encore un tout jeune homme, réussit à s'enfuir en Égypte avec quelques Édomites qui avaient été au service de son père. Ils quittèrent la région de Madian, traversèrent le désert de Paran, d'où ils entraînèrent avec eux quelques hommes, et se rendirent en Égypte, auprès du roi de ce pays, le Pharaon. Ce dernier fournit à Hadad une maison et des terres et lui promit de le nourrir. Il fut même si bienveillant à l'égard du jeune Hadad qu'il lui fit épouser une sœur de la grande dame, Tapenès, sa femme. La sœur de Tapenès donna un fils à Hadad, qu'il appela Genubat. Tapenès le fit élever dans la maison du Pharaon, où il vécut avec les propres enfants du roi. Lorsque Hadad, qui était encore en Égypte, apprit que David était mort, de même que le général Joab, il dit au Pharaon, « Laisse-moi retourner dans mon pays. » Le Pharaon lui demanda, « Est-ce qu'il te manque quelque chose auprès de moi? Pourquoi cherches-tu à retourner dans ton pays? » ?»« Il ne me manque rien, » répondit-il, « mais laisse-moi partir quand même. » Dieu suscita un autre adversaire à Salomon, Rezon, fils d'Éliada, qui s'était enfui de chez son maître Hadadézer, roi de Soba. À l'époque où David avait massacré l'armée de Hadadézer, Rezon avait rassemblé des gens autour de lui et était devenu chef de bande. Il s'était alors rendu à Damas, s'y était installé et avait fini par y prendre le pouvoir. Rezon fut donc un adversaire du peuple d'Israël pendant tout le règne de Salomon, à côté de tout le mal que fit aussi Hadad. Il détesta Israël tant qu'il fut roi de Syrie. Il y eut aussi la révolte de Jéroboam contre le roi. En voici le récit. Jéroboam, fils de Nébat, était un Éphraïmite de la localité de Séréda. Sa mère, veuve, s'appelait Séroua. Lui-même était au service de Salomon, mais il se révolta contre lui. À l'époque où Salomon faisait construire la terrasse appelée Milo et réparer une brèche dans la muraille de la cité de David, ce Jéroboam était un jeune homme de valeur. Salomon remarqua qu'il faisait bien son travail et il le désigna comme surveillant des ouvriers des tribus d'Éphraïm et de Manassé. Un jour que Jéroboam était sorti de Jérusalem, le prophète Ahïa de Silo le rencontra en chemin. Ils étaient tous deux seuls en pleine campagne. Ahïa avait un manteau neuf sur les épaules. Il le prit et le déchira en 12 morceaux. Puis il dit à Jéroboam, « Prends 10 de ces morceaux. Voici en effet ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je suis en train d'arracher le royaume à Salomon et je te confierai 10 tribus. Une seule tribu lui restera à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la seule ville que j'ai choisie dans tout le territoire d'Israël. Je ferai cela parce que les Israélites m'ont abandonné. Ils se sont mis à adorer Astarté, déesse des Sidoniens, Kémoc, dieu des Moabites, et Milcom, dieu des Ammonites. Ils n'ont pas suivi le chemin que je leur avais indiqué. Ils n'ont pas agi loyalement envers moi. Ils n'ont pas obéi aux lois et aux règles que je leur avais données, contrairement à ce que faisait David, le père de Salomon. Pourtant, ce n'est pas à Salomon que j'arracherai tout le royaume. Je le maintiendrai comme chef de mon peuple pendant toute sa vie à cause de mon serviteur David que j'ai choisi et qui a obéi à mes commandements et à mes lois. C'est au fils de Salomon que j'enlèverai le royaume et à toi, Jéroboam, je donnerai 10 de ses tribus. Mais je laisserai quand même une tribu à son fils afin que mon serviteur David ait toujours un de ses descendants qui règne devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie, pour y manifester ma présence parmi vous. Quant à toi, Jéroboam, je t'accorde la royauté comme tu le désires. Tu régneras sur les 10 tribus d'Israël. Si tu écoutes tout ce que je te dirai, si tu suis le chemin que je t'indiquerai, si tu agis loyalement envers moi, si tu obéis aux lois et aux commandements que je te donnerai, comme le faisait mon serviteur David, alors je serai avec toi, et je te promets que tes descendants régneront pour toujours, comme ceux de David. Je te donnerai les 10 tribus d'Israël pour humilier les descendants de David, mais je ne les humilierai pas pour toujours. » Salomon chercha alors à faire mourir Jéroboam, mais ce dernier s'enfuit en Égypte et se réfugia auprès de Shishak, le roi de ce pays. Il y resta jusqu'à la mort de Salomon. Le reste de l'histoire de Salomon est contenu dans le livre intitulé « Actes de Salomon ». On y parle de tout ce qu'il a fait et de la sagesse qui était la sienne. Salomon régna pendant 40 ans à Jérusalem sur l'ensemble du peuple d'Israël. Lorsqu'il mourut, on l'enterra près de son père, dans la cité de David. Ce fut son fils, Roboam, qui lui succéda. Roboam se rendit à Sichem, car c'était là que les tribus israélites du nord étaient venues pour le proclamer roi. Jéroboam, fils de Nébat, se trouvait toujours en Égypte, où il s'était enfui pour échapper au roi Salomon. Lorsqu'il entendit parler de cette assemblée de Sichem, il décida de rester en Égypte, mais on envoya des gens l'y chercher. Alors Jéroboam revint. Avec toute l'assemblée des tribus du nord, ils s'adressèrent à Roboam en ces termes. « Ton père nous a toujours traités comme des esclaves. Si toi, maintenant, tu nous soulages un peu de ce fardeau qui pèse comme un joug sur nos épaules, nous sommes prêts à te servir. » « Laissez-moi y réfléchir, » leur répondit Roboam. « Dans 3 jours, revenez me trouver. » Ils s'en allèrent donc. Le roi Roboam demanda conseil aux anciens, qu'il avait entouré son père Salomon lorsqu'il vivait encore. Il leur posa la question suivante. « Quelle réponse me conseillez-vous de donner à ces gens? » Les anciens lui dirent, « Si aujourd'hui tu leur montres que tu es prêt à servir le peuple, si tu réponds par des paroles positives, ils seront pour toujours à ton service. » Mais le roi négligea le conseil donné par les anciens. Il interrogea les jeunes gens qui l'entouraient et qui avaient grandi avec lui. Il leur dit, « Ces gens me demandent de les soulager un peu du fardeau que mon père leur a imposé, comme un joug. Quelle réponse me conseillez-vous de leur donner? » Les jeunes de son âge lui dirent, « Ces gens se plaignent donc de ce que ton père les a traités comme des esclaves, et ils te demandent de les soulager un peu de ce fardeau. Eh bien, voici ce que tu dois leur répondre. Mon petit doigt est plus gros que le bras de mon père. Mon père vous a chargé d'un joug pesant. Moi, je vous chargerai d'un joug encore plus pesant. Mon père vous a fait marcher à coups de fouet. Moi, je vous ferai marcher à coups de fouet redoublés. » Le troisième jour, Jéroboam et tout le peuple vinrent trouver Roboam, comme il le leur avait dit. Le roi négligea le conseil que les anciens lui avaient donné. Il répondit donc au peuple avec dureté, suivant le conseil de ses compagnons de jeunesse. Il dit, « Mon père vous a imposé un joug pesant. Moi, je vous imposerai un joug encore plus pesant. Mon père vous a fait marcher à coups de fouet. Moi, je vous ferai marcher à coups de fouet redoublés. » Ainsi, le roi n'accepta pas les revendications du peuple. Le Seigneur Dieu dirigea les événements de cette manière pour réaliser la promesse qu'il avait faite à Jéroboam, fils de Nébat, par l'intermédiaire du prophète Ahïa de Silo. Enchaînons avec le psaume 130, chant des pèlerinages. Du fond de la détresse, je t'appelle au secours, Seigneur. Écoute mon appel, sois attentif quand je te supplie. Si tu voulais épier nos fautes, Seigneur, qui pourrait survivre? Mais c'est toi qui disposes du pardon, c'est pourquoi tu dois être respecté. De toute mon âme, je compte sur le Seigneur et j'attends ce qu'il va dire. Je compte sur le Seigneur plus qu'un soldat de garde n'attend le matin. Oui, plus qu'un soldat de garde n'attend le matin. Peuple d'Israël, compte sur le Seigneur car il est bon. Il a mille moyens de te délivrer. C'est lui qui te délivrera de toutes tes fautes. Proverbes chapitre 16, les versets 18 et 19. L'orgueil conduit à la faillite et l'arrogance à la ruine. Mieux vaut vivre modestement avec des pauvres que partager un riche butin avec des gens orgueilleux. Et nous terminons avec la lecture de Romains, chapitre 8, les versets 1 à 17. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Dieu a accompli ce qui était impossible pour la loi de Moïse, parce que la faiblesse humaine la rendait impuissante. Pour enlever le péché, il l'a condamné dans la nature humaine en envoyant son propre Fils vivre dans une condition semblable à celle de l'homme pécheur. Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient réalisées en nous qui vivons, non plus selon notre propre nature, mais selon l'Esprit Saint. En effet, ceux qui vivent selon leur propre nature se préoccupent de ses désirs, mais ceux qui vivent selon l'Esprit Saint se préoccupent des désirs de l'Esprit Saint. Se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort. mais se préoccuper des désirs de l'Esprit-Saint mène à la vie et à la paix. Ceux qui sont dominés par les préoccupations de leur propre nature sont ennemis de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu. Ils ne le peuvent même pas. Ceux qui dépendent de leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais vous ne vivez pas selon votre propre nature. Vous vivez selon l'Esprit-Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Si le Christ est en vous, votre corps reste tout de même destiné à la mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie en vous parce que vous avez été rendu juste devant Dieu. Si l'Esprit de celui qui a ramené Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Dieu, qui a ramené le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons des obligations, mais non envers notre propre nature, pour vivre selon ses désirs. Car si vous vivez selon votre propre nature, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit Saint, vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, vous vivrez. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu, car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave et vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu « Abba, ô mon Père !» L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants, donc nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple. Nous y aurons part avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Prions. Éternel Dieu, toi qui es le Dieu grand et tout-puissant, qui est un Dieu bon, toi Seigneur qui nous délivre, qui nous sauve, c'est toi qui nous délivre de toutes nos fautes. Oui Seigneur, nous voulons te confesser nos fautes ce matin. Comme on a lu dans Proverbes, Seigneur, on te demande pardon pour notre orgueil et notre arrogance. On te demande pardon, Seigneur, comme on a lu dans l'histoire de Salomon qui s'est détourné de toi vers la fin de sa vie. Et Seigneur, nous aussi, souvent, nous nous détournons de toi et nous cessons de t'aimer de tout notre cœur en s'attachant à des idoles sur cette terre. Nous oublions d'agir loyalement envers toi et de t'obéir. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Merci, Père éternel, parce que tu nous rends justes devant Dieu, par Jésus. Merci parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Quelle délivrance, quelle espérance et quelle joie! Merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Et on veut te prier par ton Esprit Saint qu'on puisse être occupé à se préoccuper des désirs de l'Esprit, à chercher à te glorifier, à te servir et à te plaire. Seigneur, apprends-nous le contentement, qu'on soit reconnaissant des choses que tu nous donnes et qu'on soit juste content de vivre modestement. Seigneur, chasse l'orgueil en nous et l'égoïsme aussi. Et viens nous donner d'être généreux, d'être conduit par ton esprit et de marcher humblement à ta suite. Oui, Abba Père, sois glorifié, Seigneur, à travers nous. Nous savons que nous sommes tes enfants et nous savons que nous avons part au bien que tu nous as promis. Sois loué, éternel Dieu. Et c'est dans le nom précieux de Jésus, ton Fils, qui a tout donné pour nous, qu'on prie ce matin. Amen.